Philippiens chapitre 4. C'est pourquoi, mes très chers frères, que j'aime tendrement, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme en notre Seigneur, mes bien-aimés. Je prie Évodie, et je prie aussi Saint-Tiche, d'avoir un même sentiment au Seigneur. Je te prie aussi, toi, mon vrai compagnon, aide-leur, comme à celles qui ont combattu avec moi dans l'Évangile, avec Clément, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont écrits au livre de vie. Réjouissez-vous en notre Seigneur, je vous le dis encore, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est prêt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose présentez vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos sentiments en Jésus-Christ. Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, et où il y a quelque vertu et quelque louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Car aussi vous les avez apprises, reçues, entendues et vues en moi. Faites ces choses, et le Dieu de paix sera avec vous. Or je me suis fort réjoui en notre Seigneur, de ce qu'à la fin vous avez fait revivre le soin que vous avez de moi, à quoi aussi vous pensiez, mais vous n'en aviez pas l'occasion. Je ne dis pas ceci ayant égard à quelque indigence, car j'ai appris à être content des choses selon que je me trouve. Je sais l'être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance, partout et en toutes choses je suis instruit tant à être rassasié, qu'à avoir faim, tant à être dans l'abondance, que dans la disette. Je puis toutes choses en Christ qui me fortifie. Néanmoins vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Vous savez aussi, vous Philippiens, qu'au commencement de la prédication de l'Évangile, quand je partis de Macédoine, aucune église ne me communiqua rien en matière de donner et de recevoir, excepté vous seul. Et même lorsque j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé une fois, et même deux fois, ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je recherche des présents, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. Et j'ai été comblé de bien en recevant d'Épaphrodite, ce qui m'a été envoyé de votre part, comme un parfum de bonne odeur, comme un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est agréable. Aussi mon Dieu suppléera selon ses richesses à tous ceux dont vous aurez besoin, et vous donnera sa gloire en Jésus-Christ. Or, à notre Dieu et notre Père, soit gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux qui sont de la maison de César. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.